Chapitre 6e. Stéphanie Cornu, surnommée Soleil Couchant, était une véritable rousse. Il est indispensable de s'entendre à ce sujet dans un temps où la chevelure des femmes change si facilement de nuances. Souvent cheveux varient, bien folle qui s'y fit, dirait de nos jours François Ier. Soleil Couchant avait donc toutes les beautés et tous les charmes de la rousse, comme elle en avait aussi certaines imperfections. C'était une grande et belle fille, admirablement bien campée, large des épaules, fine de la taille. La poitrine se développait à souhait, les hanches s'accusaient nettement, la main et le pied étaient grands, mais bien modelés. Il y avait dans sa physionomie quelque chose d'étrange, de tendre, de froid, de lascif, de passionné, de cruel. Des lèvres très minces et un peu pâles recouvraient des dents blanches, petites, aiguës et séparées les unes des autres. Le menton était gras et sensuel, le nez petit, franchement retroussé avec des narines très dilatées et toujours frémissantes. Les yeux, longs à la chinoise, sans couleurs distinctes, vert, bleu, gris, jaune, suivant l'heure de la journée et le degré de lumière, étaient surmontés de sourcils épais et bien dessinés, ce qui est rare chez les rousses. Quelques taches de rousseur épandues çà et là, et artistement placées, loin de débarrer ce visage, lui prêtaient une originalité de plus. Quant aux cheveux, on nous demandera peut-être de préciser davantage leurs nuances. Dire d'une femme qu'elle est rousse ne suffit pas. S'il y a des degrés dans le crime, il y en a peut-être plus encore dans le roux. Nous répondrons que le surnom de Soleil Couchant donné à Stéphanie Cornu était parfaitement justifié. Sa chevelure touffue, épaisse, souple, qui déployait, pouvait tomber jusqu'à ses genoux, avait les nuances et le reflet du soleil lorsqu'il se couche après une chaude journée d'automne. De nos jours, en 1866, une créature comme celle que nous venons de peindre si imparfaitement ferait fureur. Il n'y aurait pas pour elle d'assez belles toilettes, d'assez beaux mobiliers, d'équipages trop élégants. Mais en 1847, la mode n'avait pas encore dit son dernier mot au sujet de la femme rousse. À cette époque, évidemment arriérée, on croyait encore à la châtaine, à la brune. Et lorsque, deux ou trois ans plus tard, quelques esprits aventureux fondèrent le fameux comité des blondes, on cria au scandale. On aurait crié bien davantage si on avait su que ce sournois comité, tout en paraissant protéger la blonde, préparait de longue main le règne de la rousse. Soleil Couchant aurait dû naître une quinzaine d'années plus tard, c'est de toute évidence. Nous ne répondrions pas cependant que de nos jours, malgré sa beauté originale et des plus à la mode, elle fut arrivée dans le monde galant. Il y aurait eu évidemment du succès, mais le succès d'un beau feu d'artifice, un succès éphémère. Elle ne se serait pas créée une position comme la plupart de ces dames. Ce n'était pas sa faute. Elle ne savait pas se tenir. Savoir se tenir est un grand art à notre époque. À ceux qui le possèdent, on passe beaucoup d'imperfections, de défauts et même de vices. Un homme du monde qui sait se tenir a des vêtements élégants, des chemises artistement repassées, des bottines toujours irréprochables. Pour un empire, il ne sortirait pas à pied en chapeau rond dans les rues de Paris, même au mois d'août. Il ne se permettrait pas de monter dans une voiture de place. Il n'oserait porter à la main le plus léger paquet. Il aura 10 maîtresses, il se ruinera pour elles, il compromettra par la même occasion l'avenir de sa femme et de ses enfants, mais il évitera de se montrer en première loge à l'opéra, au bois en voiture découverte, avec la moins compromettante de ses 10 maîtresses. Il lui arrivera de ne jamais payer ses fournisseurs, mais il sera d'une régularité exemplaire quand il s'agira d'une différence de bourse, d'un pari fait aux courses ou d'une dette de jeu. Une femme du monde qui sait se tenir mènera de front, si cela lui convient, plusieurs intrigues. Elle n'affichera jamais ses amants. Elle fera étalage le plus souvent possible de son mari et de ses enfants, quitte à les oublier tout à fait à certaines heures. Elle sera aussi légère qu'il lui plaira, dans le silence du cabinet, mais elle s'interdira dans le monde les moindres coquetteries. Quant à la femme qui fait commerce de légèreté, les hommes lui demandent aussi de savoir se tenir. Ils consentent à être trompés, mais ils veulent l'être avec des personnes de leur monde. Ils ne sauraient s'exposer à rencontrer dans le boudoir de leur maîtresse un monsieur qu'ils n'aiment pas à saluer. « Si je ne lui suffis pas, disent-ils, qu'elle me donne un coadjuteur, mais quelle est la délicatesse de le prendre à mon cercle ?» Parmi mes collègues, elle trouvera des gens de bonne volonté qui mettront à leur compte quelques-unes de mes trop nombreuses charges. Mais de grâce qu'elle n'aille pas m'admettre de jeunes clercs d'avoué, des messieurs forts sur le trapèze, ou des artistes dramatiques très recommandables, peut-être, mais que je désire ne rencontrer qu'au théâtre. Par Dieu, je paye et je désire au moins, par amour propre, que les autres payent aussi. En effet, la femme galante est perdue, pécuniairement parlant, bien entendu, car moralement, elle gagne peut-être, le jour où dans les principaux cercles de Paris, le bruit se répand qu'elle cabotine. Pardonnez l'expression, aucune autre ne rendrait aussi bien notre pensée, et du reste, elle est consacrée. À ce compte-là, Soleil Couchant n'avait jamais su se tenir. D'une nature spécialement fantaisiste, elle avait, dès son entrée dans la vie, sacrifié ses intérêts à ses caprices. Elle ne savait pas se refuser le plaisir d'un tête-à-tête avec un homme qui lui plaisait. Peu lui importait qu'il eût de grandes bottes à l'écuyère, un maillot à paillettes d'or, les guenilles d'un traître de mélodrame ou le masque d'un comique des délassements. On raconte qu'un soir, au temps de sa courte vogue, elle s'est prise subitement d'un figurant des variétés. Pour le rejoindre plus vite, elle quitta tout à coup sa loge d'avant-scène où se trouvent un fils de pair de France et deux attachés d'ambassade. Elle mit probablement la même précipitation à s'amouracher de Langlade. Cette taille formidable, cette belle prestance, ces vastes épaules durent la séduire à première vue. Curieuse à l'excès, elle voulut évidemment savoir de quelle façon les colosses parlaient d'amour, s'ils étaient tendres, passionnés et éloquents. Renseignée à ce sujet, elle songea, suivant sa coutume, à satisfaire d'autres curiosités. Mais ici, elle éprouva une petite difficulté qui devait singulièrement compliquer sa vie. Langlade, pendant qu'on l'étudiait sous le rapport de l'éloquence, s'était sérieusement épris, énormément épris même, en sa qualité de colosse. Son cœur était en proportion de sa taille. Il y avait de la place pour un amour ardent, sérieux, pour des passions violentes. Il trouva mauvais qu'on voulût le quitter aussi facilement qu'on l'avait pris. Il déclara que si Soleil Couchant en avait assez de lui, il n'en avait pas assez d'elle. Il refusa de céder sa place à d'autres. Il s'imposa violemment, brutalement, et Soleil Couchant, qui commence à trembler devant lui, dut le subir. À partir de ce moment, l'existence de la belle Stéphanie Cornu fut bouleversée de fond en comble. Il lui suffit de se montrer en public deux fois avec Langlade pour être mise au banc de la bohème élégante. Ses connaissances les plus intimes, ses amis les plus indulgents, durent la fuir. Ce Langlade, sans être encore allé au bagne, avait déjà toutes les dispositions qui doivent y conduire. Sa mise débraillée, son langage cyniquement imagé, ses poses de matamore, le rendaient l'être le plus compromettant du monde. Il s'était emparé de Soleil Couchant comme d'une proie. Il en avait fait sa chose par le droit du plus fort. Il l'obligeait à vivre avec lui et lui défendait toute autre relation. Ces deux êtres étaient bien plus étroitement liés que si l'Église et la mairie les avaient unis. Mais il fallait vivre. Dans notre société moderne, la force physique ne sert véritablement qu'aux colporteurs, aux commissionnaires et aux manœuvres. Être fort rapporte à Paris de 3 à 5 francs par jour. Cette somme pouvait suffire à Langlade, elle était complètement insuffisante pour Soleil Couchant. C'est alors qu'il eut recours au vol pour se venir aux dépenses de sa maîtresse. Il la battait comme plâtre, aussitôt qu'elle se permettait la moindre incartade, mais il ne savait lui refuser aucun de ses caprices. Soleil Couchant en eut beaucoup pour se consoler d'être battu, et un beau jour, Langlade, qui essayait de satisfaire à main armée, dans le magasin d'un horloger, un des caprices de Stéphanie, fut appréhendé au collet et dirigé peu après sur le bagne de Toulon. À peine Soleil Couchant commençait-elle à respirer et songeait-elle à former des nœuds plus faciles à rompre que son cher tyran, dont elle se croyait tout jamais débarrassée, vint la rejoindre et l'arracher à ses rêves d'indépendance. Ne pouvant vivre loin de sa maîtresse, il avait enfin tiré parti de sa force physique et brisé ses fers. Stéphanie Cornu jouit encore d'un peu moins de liberté qu'autrefois. Obligée d'éviter les regards de la police, d'ordinaire assez sévère pour les forçats en rupture de ban, Langlade trouva tout naturel de se cacher dans le garni occupé par Soleil Couchant. Il ne la quittait pas d'une minute. Il veillait sur elle avec une sollicitude des plus touchantes. Il lui était plus attaché que le lierre ne l'est à un vieux chêne. Jaloux à l'excès, jamais il ne lui permit de sortir en prétextant qu'il ne pouvait l'accompagner sous peine d'être arrêté. 6 mois d'un bonheur sans mélange s'écoulèrent. Langlade était le plus heureux des hommes. Stéphanie, derrière ses persiennes, lorgnait les sergents de ville en se disant qu'il devrait bien avoir l'idée de monter chez elle. La pauvre femme ne voyait plus de magasin, et en était réduite à n'avoir même plus de caprices. Un jour, cependant, elle manifesta le désir d'être dans ses meubles. Langlade, toujours gentilhomme, s'empressa de lui complaire. Il sortit deux nuits de suite, prit d'habiles dispositions, et la troisième nuit dévalisa de fond en comble une maison de campagne des environs de Paris. Il avait fait les choses en conscience, comme cette nature éminemment généreuse savait les faire. Il emporta même la batterie de cuisine pour que Stéphanie n'eût pas à l'acheter. Le propriétaire de la maison, qui n'avait jamais été amoureux sans doute, eut le mauvais goût de se plaindre. La police eut l'indélicatesse de l'écouter, suivit les traces laissées par la batterie de cuisine, et arrêta cette fois non seulement Langlade, mais Soleil Couchant avec lui. Ah, si les juges avaient eu l'esprit de les condamner à la même peine et de leur faire expier dans la même prison. Langlade eût été encore le plus heureux des hommes, mais il fut condamné comme récidiviste à 20 années de travaux publics et dirigé sur Brest, tandis que Soleil Couchant, comme receleuse, fut envoyé pour 1 année à Saint-Lazare. Le jour de sa sortie de prison, juste au bout de l'année, elle trouva une voiture à la porte de Saint-Lazare et sur le siège, déguisé en cocher, le fidèle Langlade qui s'était sauvé de Brest 1 semaine auparavant afin de fêter la délivrance de sa chère maîtresse. Nous savons comment il fut arrêté pour la 3e fois. Soleil Couchant y avait un peu contribué. Tous ces détails intimes étaient inconnus de la police. On s'imaginait naturellement qu'intimidé par son arrestation, tremblant d'être compromise de nouveau par les méfaits de Langlade et d'être envoyée dans une maison centrale, elle avait dénoncé son amant pour mériter l'indulgence de ses juges. C'était méconnaître Stéphanie Cornu. Elle n'était pas femme à se laisser intimider pour si peu. Elle avait dénoncé Langlade pour en être débarrassée jusqu'à sa nouvelle évasion, et elle s'était fait arrêter afin d'être à l'abri de ses premières fureurs. À beaucoup de cœurs, Soleil Couchant joignait une intelligence hors ligne. Les rousses ne sont jamais des femmes ordinaires.